SC1, SC1, 2DO, 2DO, Black Wizard, Black Wizard, Lil Jose, Armel Boss, M.A.M, M.A.M, Ice Ear, Ice Ear, Back to Snigo, GLB, SC1, family, family. J'arrive avec la classe, appelle-moi El Matador. Je domine la street, appelle-moi El Conquistador. Ok, SC1, Family Black Wizard, 2DO. Mec, quel est remplaçant, mais c'est pas pour ça que t'es Ichigo. Double M, aka le maître dans ce putain de game. Ouais. On est de retour en bas, nous cherche, on est en mode escale. Cherche pas les fils des eaux, on gère pas les nasses. 2DO, Black Wizard, wesh sur scène, que du sale. Mec, tu peux pas tester la SC1, on est aux aguets. On est prêt pour te dégommer, on le fait sans aucun regret. Kalash joue bien charge en ligne de mire, tous les pédés en ligne de mire, tous les tétons, nique le game, on est les yormés. Wizard toujours chargé, chargé, 2DO blindé, blindé. Armé sur mes deux pets, quand à fin tu me vas me tailler, tailler. Dès le début, ok. Donc viens pas me tester, tester. Négro, tu le sais, ouais, tu sais que je fais ça très bien. SC1 Family, wesh poto, le beat est signé. Nous dans ce jeu, personne ne peut nous dominer. Je ne suis pas le meilleur, mais un jour je le serai. J'ai pas peur du mondial, mais il me manque du réseau. Mes rimes s'envolent en l'air, comme un hélicoptère. Dans le RAP, je suis le Big Boss. La lune et le soleil forment une éclipse. Tout dit au Black Wizard, nous en forme des éclipses. Le charisme d'un leader, appelle-moi Obama. Tu me cherches, tu me touches, je te fume. Après, je te montre mon troisième doigt. C'est vrai, tu te fais du cash, mais que dans GTA. SC1 Family, aka la team des rois. Je vois la concurrence d'en haut, je suis au paradis. Virus de ton rap, ma victoire est ta maladie. C'est la vie, ma victoire, j'ai bâti. Avec un flow de dingue et clinquant, un peu comme une Bugatti. SC1 Family. Mes jaloux iront à la retraite, ça c'est sûr. You are at AMG like a spot, you know who is the boss. Sur toi mon flow a des effets, tu l'assumes. Tout dit où Black Wizard, négro, so phenomenal. SC1, Family, gros charismatique. Selvin dit au sommet négro, moi je mate plus le bas. SC1, au sommet négro, on mate plus le bas. Mets tes dents en regret et je vais les fumer. Le rap je l'ai roulé et puis je vais le fumer. Gucci, Louis, TL, Didi. Entends, on sort, c'est reparti. Jamais nous nous partagerons ce que nous possédons. La preuve j'ai envoyé dans les mythes des Poséidons. Jamais pour vous je me laisserai piquer par Cupidon. Donc je suis aussi compliqué que ta ceinture Louis Vuitton. Devant moi tout le monde baisse la tête, même mes propres démons. À peine tu arrivé dans le game qu'on m'appelle Baron. Never I go Lego, Lego, Nigo, Lego, let's go. 2DO, Black Wizard, SC1.